بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، la dernière fois j'avais oublié une masala dans l'avant-dernier درس ou plutôt dans le dernier درس نعم qui était la masala السادسة والتسعين la 96e masala. Donc voilà, rattrapons aujourd'hui dans ce درس وهي افتخارهم بأعمالهم الطيبة. يعني qu'ils se vantent par leurs bonnes œuvres. Que ces gens-là font de bonnes œuvres, ils s'en vantent. فقال في المتن رحمه الله تعالى الافتخار بولاية البيت وذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا. Donc là, ils se vantent du fait qu'ils ont, ce sont eux qui ont la gérance de la Kaaba. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés pour cela. Dans sa parole, où il dit, dans le sens, qu'ils s'enflent d'orgueil, et lors de vos veillées, vous les dénigrez. C'est-à-dire les autres arabes, qui sont en dessous de vous par rapport à cette fonction que vous remplissez. Par contre, الشيخ الفوزان في شرح هذه المسألة قال من مسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر بسنادتها وتعظيمها ودفالة الوافدين إليها وسقاية الحجيج فهم يفتخرون بهذا العمل مستكبرين به. Parmi les points de jahiliya également, que ces gens-là se vantent des actes qu'ils font étant en lien avec l'adoration, du fait qu'ils organisent les choses qui sont liées à l'adoration à Mecca, comme le fait de recueillir ou d'abriter ou de recevoir ceux qui viennent, comme les hujjaj, les pèlerins qui veulent faire le hajj, qui les abreuvent, qui les nourrissent, qui les abritent. Mnahwa zalik. Kazalik qui sont au service de la Kaaba, que ce sont eux qui s'en occupent. Ils se vantent sur cela, sur les autres arabes. Hadha min umur al-jahiliya. Car le fait de servir la maison sacrée est une ibada. Il n'est pas permis à l'insan de se vanter de l'adoration. Car cela est une chose par laquelle il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, il ne cherche pas en cela d'éloge des gens, ni d'être vanté. Bel yahmadullah an yajalahu mimman yakumu bihadal amal. Mais il aurait bien de louer Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir accordé de pouvoir accomplir cet acte. Sans qu'ils ne deviennent hautains sur les autres. Donc ces gens-là, بدلا أن يؤمنوا بالرسول وبالكتاب ويتبعوه يفتخرون بعملهم في البيت ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الذم لهم أنهم يعتاضوا عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظن منهم أنها تكفيهم وهذا من أمور الجاهلية. Donc eux, au lieu de croire aux messagers et aux livres et de suivre, ils se sont vantés de leurs actes, du fait qu'ils sont au service de la Kaaba, et qu'ils pensent que cela leur suffit, que cela les dispense d'avoir à suivre le livre et la sunna. Donc c'est pour cela qu'ils ont été blâmés. Ils ont changé l'application de la religion par le fait qu'il soit au service de la Kaaba. Le fait de penser cela, que cela te dispense d'accomplir les obligations religieuses qui incombent à tout mukallaf, cela min umur les jahiliya. C'est partie des choses de la jahiliya. Et à la fin, il cite une parole, ouvre une parenthèse, justement par rapport à des gens. قال والآن هناك من يظنون أن سكنهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى قال قائلهم النائم فيه يعني الحرام خير من القائم في غيره وهذا غرور من الشيطان. Qu'il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils habitent à Medina ou à Mecca, cela les dispense d'accomplir des actes. Il a dit qu'à certains, à tel point que l'un d'entre eux a même dit que le fait de dormir à Mecca est meilleur que le fait de faire qiyam, de veiller en salat dans un autre lieu. Celui qui dort à Mecca a plus de récompenses que celui qui fait Qiyam al-Layl en étant ailleurs. Et il dit ça, c'est parmi les illusions de Shaitan, faites par Shaitan. Voilà, a'azou billah. Taïb. Donc là, c'était la mas'ala qu'on a pris en retard, qui m'avait échappé la dernière fois dans le livre. Al-an-wasil min al-mas'ala al-thalitha wa rabi'a wa al-khamisa wa sadisa wa sabi'a wa thamina bad al-mi'a. Qui est la mas'ala de 103 à 108. De 103 à 108. Qui est kufruhum bi usul al-iman. Qu'ils mécroient au fondement de la foi. Mahia, elle kufru bil malaika, elle kufru bil rusul, elle kufru bil kutub, elle irrad amma ja'ani Allah, ou elle kufru bil yom al-akhir wa takzib bil liqa illah. Qu'ils mécroient au malaika, au messager, au kutub, qu'ils se sont détournés de tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du jour dernier, et qu'ils démontrent la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun de ceux-là sont les points cités là. فقال في الشرح كل هذه المسائل من امور الجاهليه tous ces points là c'est parmi les points de la jahiliya. Voyez qu'ils ne croient pas en ces choses là car toutes ces choses sont des choses tata'alaq bi al-ghayb, des choses qui se rapportent à l'invisible. Que les choses de l'invisible, il n'y a que le croyant qui trouve la foi en ces choses là comme قال تعالى Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كما قال تعالى في أول سورة البقرة il a dit Alif lam mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidée pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible. Donc tout cela englobe هذه الأمور, ces choses qui sont relatives à la foi, qui sont la foi aux anges, malaïka, rusul, kutub, wa'il zalik. Toutes ces choses-là rentrent dedans. Donc eux, ils ont mécru en cela. Cela est parmi leurs sifat. Et cela est parmi le monde de la jahiliya. Quand on est, fil mas'alati et tasi'ati ba'd al-mi'a. 109e mas'ala. Takdhibuhum li ba'd ma akhbarat bihi. Ar-Rusul. Il dit qui est la 109e mas'ala, qui est qu'il démente une partie de ceux avec quoi sont venus les messagers. Je répète ici, on a déjà dit que tous ces points, tayyib, ma yalzam an-najida kullaha fi kulli jahili. Il n'est pas forcé de trouver tous ces points en une même personne. Certains pourront avoir certaines mas'ail. Certains pourront en avoir d'autres, par exemple les gens de Al-Kitab, des choses qu'ils ont qui ne seront pas chez les mouchriquins des Arabes. Les choses chez les mouchriquins des Arabes qui ne seront pas présentes chez les gens de Al-Kitab. Et des gens de Al-Kitab, certaines choses qui seront présentes chez les Yahoud et pas chez les Nasara. Et voilà, Kazalik. Donc là, il vient avec tous les points de la Jahiliya qu'il a pu trouver, mais cela n'implique pas que tous ces points sont présents dans chaque Jahili. Parce que des gens pourraient dire, mais il y a des contradictions. À un moment on dit cela, à un moment on dit une autre chose. On dit, ce point de la Jahiliya est présent chez d'autres, et ça en est une. Et là, t'as une autre mas'ala de Jahiliya qui s'y oppose, mais aussi qui est présente chez eux. Chez d'autres personnes de la Jahiliya. Akada. Mais il faut savoir une chose, que tous les gens de la Jahiliya regroupés, ni la Ummah qui n'était pas sur la religion, regroupaient tous ces choses-là. Elles étaient parmi leurs points distincts. Naam. Par contre, elle est takdhib bibard أخبرت به الرسل عن يوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Donc ils ont démenti une partie de ceux dont ont informé les messagers à propos du jour dernier. Quand dans sa parole, dans le sens Allah, il dit cela sont ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur et sa rencontre. Également, qu'ils ont démenti sa parole, le Seigneur du jour dernier. Et qu'ils ont mécru en sa parole du jour dans lequel il n'y aura ni négoce, ni amour, ni ami, et ni intercession. et sa parole dans le sens où il dit, à part ceux qui ont témoigné de la vérité et qui savent. طيب قال في الشرح منهم من يكفر باليوم الآخر جملة قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. Donc parmi eux, tu as des gens qui mécroient totalement au jour dernier. Mais ils y mécroient. Est-ce qu'on va dire que tout Jahili mécroit? Non. Les El-Kitab, ils y croient à la base. Et certains, même parmi les Mouchikim, des Arabes, ils y croient. Mais il dit Minuhum parmi eux, c'est pas tous. Donc dans le sens, Allah il dit, et ils ont dit, cela n'est que notre vie en ce bas monde. C'est tout. Après, il n'y a plus rien. Et parmi eux, ceux qui croient au jour dernier. Cependant, il renie certaines choses qui s'y passeront. Comme par exemple, Al-Hisab qui rend des comptes, ou Wazn al-Armel, que les œuvres seront pesées, ou Al-Jannah wa-Nar, Kazalik. Donc parmi eux, certains, ils y croient totalement et d'autres partiellement. Ils ne sont pas égaux en cela. Quoi qu'il en soit, فَالَّذِي يَكْفُرُ بِبَعْضِهِ كَالَّذِي يَكْفُرُ بِهِ كُلِّهِ لا فرق لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وقال تعالى قل هل ننبئكم بأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc il a dit, mais quoi qu'il en soit, que tu m'y crois en une partie ou que tu m'y crois en tout, il n'y a aucune différence, le jugement est le même pour ces deux personnes. Non, différence, c'est pas, on dit lui, il croit un peu, donc lui croit un peu moins, donc il y a une différence. Non, les deux sont les koufars. Le fait de démentir ne serait-ce qu'un petit peu suffit à te faire sortir du cercle de la foi. Car cela revient à croire en une partie du livre et en décroire, en mécroire en une autre. Alors que nous sommes censés croire à tout le livre. Et ne pas démentir ne serait-ce qu'une seule lettre du livre. Faqala ta'ala, dans le sens, il dit, est-ce que je vous avertirai de ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre, c'est-à-dire Yom al-Qiyama, ceux dont les efforts dans ce bas monde ont été perdus et qui pensent qu'ils font du bien. Vous voyez, ils font des efforts en ce bas monde et pensant cela faire du bien alors que ces efforts sont vains. Ceux-là, ce sont ceux qui ont mécru au verset de leur Seigneur et sa rencontre. Donc leurs œuvres ont été effacées et nous ne leur accorderons aucun poids le jour de la résurrection. Donc tout cela, min umur al-jahiliya, de démentir une partie des choses de l'au-delà et des choses de l'invisible. Faqala fi al-akhir fi kulli Allah azza wa jal wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi al-shafa'a illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Tandis que les gens, le jour de la qiyama, la shafa'a ne leur servira à rien. L'intercession ne servira à rien, hormis ceux qui ont témoigné de la vérité et qui savent. Donc, le chien explique que ma'ana shahida bilhaq, ma'ana et la ilaha illallah fi dunya, wa ma ta'aliya, sont ceux qui ont fait la shahada qui sont morts dessus. Car il ne suffit pas de le prononcer, de dire la ilaha illallah, mais il est obligatoire d'avoir la science, de connaître son sens. C'est pour cela que dans le sens, c'est pour ça que là, Allah dans le verset, il dit, wahum ya'lamun, c'est-à-dire qu'ils savent. Ils ont la science du sens de la ilaha illallah. Donc le simple fait de prononcer ne suffit pas. Et il dit, kazalik, wala yakfi al-love wa ma'rifat al-ma'na bidun al-amal bi-muqtadaha. Lian al-ilm wasilatun il-amal. Fa'iza lam yakun ma'al-ilm amalun falan tanfa'aka la ilaha illallah. Donc il dit par la suite, que le fait de le prononcer avec la science également, sans acte, ne suffit pas. Tu es obligé d'appliquer, d'agir en conséquence de cette parole. Tout ce que cela implique de dire la ilaha illallah. Car la science que tu as acquise est un moyen qui te fait parvenir à l'application. Donc s'il n'y a aucune œuvre avec la science de la ilaha illallah, alors cette parole ne servira à rien, yom al-qiyama. Donc là, en même temps, c'est un rod à ceux qui disent que ceux qui ne connaissent pas qu'on peut mourir, musulmans, si on a la foi dans le cœur, et même si on n'a fait aucune œuvre, on a délaissé les actes. Wa hadha kadhib. C'est un mensonge. Et ce qu'on a, c'est le col des Murji'a. Ce qu'on a, c'est le col des Murji'a. Le fait de dire là, il y a des shurutes. Et ces shurutes impliquent forcément des actes. Min shurut la ilaha illallah, el niqiyad. Parmi les shurut de la ilaha illallah, le fait de se laisser mener. Et le kaboul, le fait de l'accepter. Donc cela implique forcément des actes. Comment tu te fais mener et tu n'agis pas? C'est que tu ne te fais pas mener, c'est que tu te rebelles. Tu t'obstines. Adam min shurut la ilaha illallah. Wa min shurut la ilaha illallah, el mahabba. Taïeb, l'amour. Donc l'amour que tu as, forcément, s'exprime. Tu ne peux pas aimer une chose sans que cela ne se voit. لهذا قال الله عز وجل في كتابه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Donc le fait d'aimer le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم doit être exprimé et extériorisé par les actes. C'est obligatoire. Donc quelqu'un qui dit لا إله إلا الله parmi les shurut, il y a la mahabba, il n'agit pas, c'est que cette parole-là n'est pas entrée dans son cœur. Donc ceux qui disent qu'on peut être comme ils disent, qui prétendent qu'on peut être musulman non pratiquant, cette parole-là elle est absurde. Et c'est un mensonge. Soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. C'est comme demain quelqu'un il te dit, moi je suis footballeur mais je joue pas au foot. Il me dit, bah t'es pas footballeur alors. Je donne l'exemple du foot parce que c'est un sport qui est aimé par beaucoup de gens. Et il s'assoit sur le côté. On dit, viens jouer. Il dit, non, moi je joue pas. Moi. On dit, bah t'es un supporter, t'es pas un footballeur. Et après il vient, et il veut avoir la récompense de la victoire avec les autres, avec l'équipe. Masalin. Eh ben on dit non, c'est pas accepté, c'est pas makboul. Tu ne seras pas appelé footballeur, pourquoi tu ne joues pas au football? Le footballeur, c'est celui qui joue au football. Attention, je suis en train de donner un exemple, je suis pas en train d'encourager à aller jouer au foot comme eux le font. J'ai un exemple imagé par l'effet actuel. Azaw. Taïb. Summa qala fi mas'ala al-ashira ba'd al-mi'a. 110e mas'ala. I'tida'uhum ala du'at al-haq. Qu'ils s'en prennent aux prédicateurs de la vérité. فقال في الشرح قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس qu'il tue les gens qui ordonnent au bien et à l'équité et à la justice parmi les gens. فقال في الشرح من جملة أعمال اليهود القبيحة. Ça c'est parmi les actes des Yahoud, les actes immondes commis par les Yahoud. قتل الأنبياء qui tue les أنبياء. قتل الدعاة إلى الله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Et certes, ceux qui ont mécru au verset d'Allah et qui tuent les messagers sans droit et qui tuent ceux qui ordonnent à la justice parmi les gens, alors annonce-leur un châtiment douloureux. Donc ça c'était connu des Bani Israël. Ce sont eux qui tuaient les Anbiya. Ce sont eux qui ont essayé de tuer Isa alayhi salam. Ce sont eux qui ont tué Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله ينتقم منهم. Donc il dit également, toute personne qui agit de la sorte en s'en prenant au du'at, au prédicateur à la vérité, comme les rafidans le font également, il tue les ulama, il tue les tulab, il tue les du'at, les zalika, et tashabbah biha'oula. Et l'irtida, ce n'est pas seulement dans le fait de tuer, même le fait d'être injuste pour l'empêcher d'arriver à appeler Allah subhanahu wa ta'ala, rentre dedans. Donc même les gens de la bid'a qui s'en prennent aux gens qui appellent à la vérité, qui obstruent leur chemin, qui leur font obstacle et qui leur nuisent injustement pour les empêcher d'appeler les gens à Allah, sont concernés par ce jugement et hazi min masail al-jahiliya. Les gens de l'islam qui agissent de la sorte, ça c'est une branche de la jahiliya qui est en eux qui ressemble à ces gens-là. Qui inclut qu'ils ressemblent à ces gens-là. قال المسألة الحادية عشر بعد المئة. 111e مسألة. الإيمان بالباطل. Qu'ils croient au faux. Ils ont la foi au faux. فقال في المتن الإيمان بالجبت والتاغوت. Qu'ils croient en la sorcellerie au تاغوت. طيب. قال الشيخ الفوزان في الشرح. قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغوت والجبت قيل هو السحر وقيل الشيطان والتاغوت من تجاوز حدود الله. Donc dans le sens Allah il dit, n'as-tu pas vu à ceux qui ont une part du livre et qui croient malgré tout cela en leur sorcellerie ou aux shayatin et aux taghout. Et le djibt, dans le verset, c'est, ça a été dit le siha, et ça a été dit shaitan. Et tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur outrepasse les limites d'Allah SWT. Donc ces gens-là qui ont une partie du livre, il dit que ce verset est descendu sur les Yahoud, ce qui était le Médina, lorsque le prophète Mohammed a fait l'Hijra. Donc ils ont pris le pacte avec lui, ils sont engagés. Ils ont pris l'accord qu'ils ne combattraient pas les muslimines et qu'ils défendraient le Médina si quelqu'un venait à s'attaquer, à les attaquer, à s'en prendre à eux. Donc ils sont engagés à cela. Et lorsqu'à la fin, ils ont commencé à ne plus supporter le prophète Mohammed sallam et ses compagnons et de voir qu'ils commençaient à avoir le dessus et que leur nombre commençait à augmenter et que l'islam était secouru, alors ils sont partis voir les chefs des Quraysh à Mecca pour se servir d'eux contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils veulent que ces Arabes viennent pour le combattre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré à Quraysh de les questionner, c'est-à-dire de demander à ces juifs, à ces yahouds, de leur dire, vous êtes les gens du livre. Donc on vous demande, qui est sur la vérité? Mohammed ou bien nous, c'est-à-dire les mouchilkoun? C'est-à-dire vous qui êtes les gens du livre, les yahouds, vous avez le livre avec vous. Donc nous vous demandons, qui est sur le haq, nous ou alors Mohammed? Et les yahouds, ils ont dit, Maza antum ali, c'est quoi votre religion? Sur quoi vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, nous honorons l'invité. Nous entretenons les liens de parenté. Nous abreuvons les pèlerins. Et nous faisons kaza et kaza et kaza et kaza et kaza. Alors que Mohammed, lui, il insulte nos divinités. Et il a délaissé notre religion. Il s'est opposé à la religion de nos grands-pères. Et il a coupé nos liens de parenté. Et il a fait, et il a fait, et il a fait, et il a fait, en citant d'autres actes. Donc là, les Yahoud, ils ont dit, vous êtes sur la vérité et Mohammed est sur le faux. Alors qu'ils savent très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur la vérité et qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que ceux-là sont des idolâtres. Li'azaq Allah azza wa jal et que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset. Que ces gens-là ont une part du livre. Et malgré cela, ils ont la foi au djibt au tarout. Les gens pourront dire, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont fait cela juste pour pouvoir les attirer pour combattre Mohammed. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont été d'accord avec les Quraysh qu'en apparence, mais dans leur cœur, n'étaient pas avec eux. Donc là, le Shir, il dit bien par rapport à ça. Que Allah dans le Coran, il a bien dit, يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَارُوتِ. Ils croient en sorcellerie et au tarout. قَالَ مَعَا أَنَّ الْأَمْرِ مُوَافَقَتْ فِي الظَّهِرِ فَقَتْ فَسَّامَهُ إِمَانًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُوَافَقَ لِلْكُفَّارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَيْلْ إِكْرَاهِ إِمَانٌ بِهِمْ إِمَانٌ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ. Donc il dit que le fait qu'il n'ait été en accord avec eux qu'en apparent, que Allah dans le Coran a appelé cela yu'minun, il a appelé cela comme étant de l'imen, la foi. Cela démontre que le fait d'être en concordance avec les kuffars, dans ce sur quoi ils sont comme faux dans leur religion, sans avoir été contraint, biril ikrah, sans aucune contrainte, voyez, cela revient à croire. Même si dans ton cœur tu n'y crois pas. Donc la masala est dangereuse. Après il dit wa hunak unas al-an yaqulun in al-insan la yakfuru wa law qala al-kufru hatta yataqidahu bi qalbihi. Fa law qala kalam al-kufri min ghayri ikrah wa fa'ala afal al-kufar wa sabba Allah wa rasulahu wa fa'ala ma fa'al fa innahu la yakfuru 'inda ha'ula'i hatta ya'lam ma fi qalbihi. Wa hadha madhhab ghurat al-murji'a. Donc il dit maintenant, il y a des gens qui disent que la personne ne mécroit pas, même si elle a dit de la mécréance, tant qu'elle n'a pas cette croyance dans son cœur. C'est-à-dire que même s'il dit du kufr, sans avoir été contraint, qu'il commet des actes de kufr et de shirk, c'est-à-dire délibérément, et qu'il insulte Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse ce qu'il fasse, il ne mécroit pas. Tant que il n'a pas dans son cœur pour croyance ce qu'il fait, c'est du kouf. C'est-à-dire que, par exemple, demain, il insulte Allah, mais dans son cœur, il dit « moi j'aime Allah », mais il l'insulte. Ou il insulte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais dans son cœur, il l'aime, il dit qu'il l'aime. Ou il fait du shirk, mais dans son cœur, il dit « moi je suis mouahid ». Mais il fait l'acte quand même. Quand même. Et ça, Ça revient également exactement à la masala de Muhammad l'imam. Qabbahahu Allah, qui défend les rafidans en disant exactement cette même shubuhat. Que les Houthis au Yémen, ils font ce qu'ils font, et qu'ils ne, mais que lui ne peut pas les rendre mécréants parce que on ne rend mécréant qu'une personne qui a fait du kufr, qui a voulu le kufr. Et ça, c'est exactement comme le shiri dit. Hada kalam ghurat al-murji'a. C'est le kalam de Jahmiya tamaman. Que pour avoir mécru, il faut que tu aies voulu mécroire. Pour que tu aies mécru, que tu aies voulu mécroire. D'accord? Que quelqu'un, lorsqu'il a Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu en cela la mécréance. Donc là, il y a, alhamdoulilah, il y a un rad sur le site de Shir Saïd Da'as, rahimahullah ta'ala, qui a déjà répondu à cette ambiguïté de façon détaillée. Walhamdulillah. Donc là, le verset est un rod contre eux, car c'est Yahoud. Ne croyez pas en ce que croyaient les mouchriquins dans leur cœur. Les Yahoud ne se prosternaient pas dans les idoles. Ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient, c'est du shirk. Malgré cela, Allah a dit, yu'minuna bi-jibt wa ta'arut. Ils croient au jibt wa ta'arut. Du fait qu'ils ont été en accord avec eux, et qu'ils ont voulu s'allier à eux, et qu'ils ont cautionné leurs actes en disant ce que vous faites, c'est bien, c'est la vérité, en vue de combattre les gens du haq, de combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une alliance. Une alliance. Pour combattre la religion en plus. Donc il dit, وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير ففيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء نسأل الله العافية من هذا الضلال. Donc ça c'est un point très minutieux dans les choses du takfir. Et une chose immense, une règle, une grande règle. Et que c'est une réfutation à ceux qui prétendent que la personne ne mécroit pas quoi qu'elle fasse, comme énormité, et comme acte immonde de mécréance et de shirk, tant que dans son cœur, il n'a pas pour croyance qu'il veuille la mécréance. D'accord ? Quand même, que dans son cœur, il est pour croyance et agréer cet acte. C'est-à-dire, pour tomber dans le kufr, il faut agréer le kufr. Quand même, que pour faire du kufr, il faut agréer le kufr dans son cœur et être d'accord. Et là, il a bien dit, bidoun ikrah, on t'a pas contraint. Il y a des choses, il y a l'ikrah, il y a des règles. L'ikrah, tu peux être marzor. Donc là, ce sont les masaïs qu'on a pris aujourd'hui. On a rattrapé la 96e mas'ala, qui était qu'ils se vantent de leurs actes, de leurs bonnes œuvres. Nous avons pris également qu'ils mécroient au fondement de la foi. Kufruhum bi usul iman. Qu'ils démentent une partie de ce dont ont informé les messagers, alayhim salam, et qu'ils s'en prennent injustement aux prédicateurs de la vérité, ou à kammalna bi al-iman bil batil, qu'ils ont la foi au faux. Et après, on a expliqué cette règle immense que la foi au faux, al-iman bil batil, n'implique pas forcément que dans ton cœur, tu agrées cette foi. Mais à partir du moment où tu la cautionnes, en apparence, même si au fond de toi, tu la contredis, mais que tu la cautionnes en apparence par tes actes et par tes paroles, et que tu n'es pas contraint, alors tu prends le même jugement. Fabien Delcote Naktafi, on a coulé Alhamdulillah Rabbil Alameen.